Trois autres évasions. Nous n'avons pas donné plus haut tous les détails de l'évasion de l'abbé de Bucquoy du fort l'évêque, de peur d'interrompre le principal récit. Quand il eut imaginé de s'échapper par une lucarne des combles, il trouva une difficulté dans la porte cadenassée, qui fermait le cabinet, où il fallait entrer d'abord. Les outils lui manquaient. Il eut alors l'idée de brûler la porte. Le concierge lui avait permis de faire sa cuisine dans sa chambre et lui avait vendu des œufs, du charbon et un briquet. C'est avec ces moyens qu'il put mettre le feu à la porte du cabinet, ne voulant y faire qu'une ouverture par laquelle il put passer. Les flammes allant trop haut et risquant d'incendier le toit, il trouva à propos un pot à eau pour les éteindre, mais il faillit être asphyxié par la fumée et brûla une partie de ses vêtements. Il était bon d'expliquer ceci pour faire comprendre ce qui lui arriva après, qu'il eut pris pied sur le quai du Louvre. Sa descente à travers les grilles hérissées de fer et les chevaux de frise avait ajouté mains accros aux brûlures de ses vêtements. De sorte que plusieurs marchands, qui au point du jour ouvraient leurs boutiques, s'aperçurent bien de son désordre. Mais personne ne souffla mot. Seulement quelques polissons le suivirent en faisant des huées. Une grosse pluie qui survint les dispersa. L'abbé, grâce à cette diversion qui retenait en outre les sentinelles dans leur guérite, prit par la rue des Bourdonnais, gagna le quartier Saint-Eustache et arriva enfin près de la halle où il trouva un cabaret ouvert. L'état de ses vêtements, auxquels il n'avait pas encore fait grande attention, lui attira des railleries. Il ne répondit rien, paya l'hôte et chercha un asile sûr. Il n'eut pas fait bon pour lui de se rendre chez sa tante, la comtesse Douairière de Bucquoy. Mais il se souvint de la demeure d'une parente d'un de ses domestiques qui logeait à l'enfant Jésus, près des Madelonnettes. L'abbé arriva de bonne heure chez cette femme et lui dit qu'il venait de province, et que, passant par la forêt de Bondy, des voleurs l'avaient mis dans cet état. Elle le garda toute la journée et lui fit à manger. Vers le soir, il s'aperçut d'un certain air de soupçon qui lui fit penser à chercher un asile plus sûr. Il s'était rencontré déjà avec quelques-uns de ces beaux esprits du Marais qui fréquentaient l'hôtel de Ninon de l'Enclos, alors âgé de près de 80 ans. Et qui faisait encore des passions, en dépit des lettres de Madame de Sévigné. Les hôtels du Marais étaient le dernier asile de l'opposition bourgeoise et parlementaire. Quelques personnes de la noblesse, dernier débris de la fronde, se faisaient voir partout dans ces vieilles maisons, dont les hôtels déserts regrettaient encore les jours où les conseillers de la Grande Chambre et des Tournelles traversaient la foule, en robe rouge, salués et applaudis comme des sénateurs romains du Parti populaire. Il y avait un petit établissement dans l'île Saint-Louis, qu'on appelait le Café Laurent. Là se réunissaient les modernes épicuriens, qui, sous le voile du scepticisme et de la gaieté, cachaient les débris d'une opposition sourde et patiente, comme Harmodius et Aristogiton cachaient leurs épées sous des roses. Et ce n'était pas peu de choses alors que ces pointes philosophiques aiguisées par les disciples de Descartes et de Gassendi. Ce parti était fortement surveillé. Mais grâce à la protection de quelques grands seigneurs, tels que d'Orléans, Conti et Vendôme, grâce aussi à ces formes spirituelles et galantes qui séduisent eux-mêmes la police ou qui l'abusent aisément, les néo-frondeurs étaient généralement laissés en paix, seulement la cour pensait les flétrir en les appelant la cabale. Fontenelle, Jean-Baptiste Rousseau, Lafare, Chaulieu s'étaient montrés par moments au Café Laurent. Molière y avait paru antérieurement. Boileau était trop vieux. Les anciens habitués parlaient là de Molière, de Chapelle et de ses soupers d'Auteuil, qui avaient été le centre des premières réunions. La plupart des habitués du café étaient encore les commensaux de cette belle Ninon, qui habitait rue des Tournelles et qui mourut à 86 ans, laissant une pension de 2000 livres au jeune Arouette, lequel lui avait été présenté par l'abbé de Châteauneuf, son dernier amoureux. L'abbé de Bucquoy avait depuis longtemps quelques amis parmi les gens de la cabale. Il attendit leur sortie. Et feignant d'être un pauvre, il s'adressa à l'un d'eux, le prit à part et lui dépeignit sa position. L'autre l'emmena chez lui, l'habilla et le cacha dans un asile sûr, d'où l'abbé put avertir sa tante et recevoir l'aide nécessaire. Du fond de sa retraite, il adressa plusieurs suppliques au Parlement, afin que son affaire y fût renvoyée. Sa tante elle-même remit des placets au roi, mais aucune décision ne fut prise. Bien que l'abbé de Bucquoy offrit de se remettre dans les prisons de la conciergerie, s'il pouvait être assuré que son affaire serait traitée juridiquement. L'abbé de Bucquoy, voyant toutes ses sollicitations rester sans effet, dut se résoudre à sortir de France. Il prit la route de Champagne, déguisé en marchand forain. Malheureusement, il arriva à l'affaire au moment où un parti des Alliés, qui avait enlevé Monsieur le Premier, s'était vu couper du côté de Ham et forcé de se dissoudre. L'abbé fut considéré comme un des fugitifs, et bien qu'il protestât de sa qualité de marchand, on le déposa à la prison de l'affaire, en attendant qu'on eût reçu des renseignements de Paris. Ce coup d'œil ingénieux qui lui avait fait trouver les moyens de s'échapper du fort l'évêque lui avait fait découvrir un certain tas de pierres qui pouvaient servir à arriver sur la rampe du mur. Avant d'entrer dans la cellule, il pria le concierge de lui aller chercher à boire, et en son absence se mit à grimper jusqu'à un bastion d'où il se précipita dans un fossé plein d'eau qui entourait la prison. Il le traversait à la nage lorsque la femme du concierge, qui l'avait aperçu par une fenêtre, mit l'alarme dans la prison, ce qui fit qu'on le ressaisit au bord et qu'on le ramena épuisé et tout couvert de boue. On prit soin, cette fois, de le mettre au cachot. On avait eu de la peine à faire revenir le pauvre abbé de Bucquoy d'un long évanouissement, suite de son plongeon dans l'eau, et les paroles qu'il prononça sur la Providence, qu'il l'avait abandonné dans son dessein, donnèrent à penser que c'était un ministre calviniste échappé des Cévennes. On l'envoya donc à Soissons, dont la prison était plus sûre que celle de l'affaire. Soissons est une ville très intéressante pour qui la voit en liberté. La prison était alors située entre l'évêché et l'église Saint-Jean. Elle s'adossait du côté du nord aux fortifications de la ville. L'abbé de Bucquoy fut mis dans une tour avec un Anglais fait prisonnier dans l'expédition de Ham. Le porte-clés, qui faisait leur cuisine, permettait à l'abbé, qui toujours feignait d'être malade, comme il avait fait au fort l'évêque, de prendre l'air le soir au sommet de la tour où il était enfermé. Cet homme avait un accent bourguignon que l'abbé reconnut pour l'avoir entendu près de Sens. Un soir, ce porte-clés lui dit « Monsieur l'abbé, il fera beau ce soir sur le donjon à voir les étoiles. » L'abbé le regarda, mais ne vit qu'une figure indifférente. Sur le donjon, il faisait du brouillard. L'abbé redescendit et trouva ouverte la porte du mur de ronde. Une sentinelle le parcourait à pas égaux. Il se retirait lorsque le soldat passant près de lui dit à voix basse « L'abbé, il fait bien beau ce soir. Promenez-vous ici un peu. Qui est-ce qui vous apercevrait dans le brouillard ?» L'abbé de Bucquoy ne vit là que la complaisance d'un brave militaire qui suspend la consigne en faveur d'un pauvre prisonnier. Au bout de la terrasse, il sentit une corde et sa main, en la soulevant, trouva un crochet et des nœuds. La sentinelle avait le dos tourné. L'abbé, qui savait tous les exercices, descendit en s'aidant de la sellette à la manière des peintres en bâtiment. Il se trouva dans le fossé qui était à sec et plein d'herbes. Le mur du dehors était trop haut pour qu'il pût songer à remonter. Seulement, en cherchant quelques points dégradés qui permit l'ascension, il se trouva près d'une ouverture d'égout dont les gravois semés çà et là et les pierres fraîchement taillées indiquaient qu'on était en train de le réparer. Un inconnu leva la tête tout à coup par l'ouverture du puisard et dit à voix basse « Est-ce que c'est vous, l'abbé ? Pourquoi ? C'est qu'il fait beau ce soir ici, mais il fait meilleur là-dessous. » L'abbé comprit ce qu'on voulait lui dire et se mit à descendre par une échelle dans ce réduit assez fétide. L'homme le conduisit silencieusement jusqu'à un escalier en limaçon et lui dit « Montez maintenant jusqu'à ce que vous trouviez une résistance. Frappez et l'on vous ouvrira. » L'abbé monta bien 300 marches, puis sa tête heurta contre une trappe qui paraissait lourde et qui ne céda pas même à la pression de ses épaules. Un instant après, il sentit qu'on la levait et qu'on lui adressait ces mots. « Est-ce vous l'abbé ?» L'abbé dit « Ma foi, oui, c'est moi, mais vous ?» L'inconnu répondit par un « Chut !» et l'abbé se trouva sur un plancher solide, mais dans la plus profonde nuit.